après avoir présenté son émission Blockbuster durant 2 mois cet été. Le voici de retour parmi nous avec sa chronique pop culture. Mesdames, messieurs, Frédéric Sigrist. Eh oui Mathilde, je suis un peu l'appareil à raclette de France Inter. Hein. Durant certaines saisons, on m'utilise beaucoup, mais le reste de l'année, c'est plus calme. Mais quel plaisir de vous retrouver Mathilde, Clément, Marie-Pierre, Julien. Et Anthony ? Bah attendez, je fais déjà ceux que je suis content de retrouver. Oh. Mais non, je rigole, je suis enchanté de retrouver Anthony Bélanger. Mais lui, c'est pas pareil, il est jamais parti. Il a fait des chroniques tout l'été. Anthony, il est comme moi, les vacances, il connaît pas parce que... Parce qu'il adore son travail. Parce qu'il est pauvre. On va organiser un Bélangéton, voilà. Alors revenons à nos moutons. Ce matin, vous voulez nous parler de la bonne surprise de l'été sur nos écrans. Un film qui est en salle depuis mercredi. Everything, Everywhere, All at Once. Oui, alors dans sa version québécoise, on va l'appeler Tout, Partout, Tout à la fois. Je préfère le dire en français parce que déjà qu'on est en semaine de rentrée, j'aimerais éviter qu'un prof d'anglais se défenestre comme c'est le cas à chaque fois que je parle dans la langue de Shakespeare. Et il raconte quoi ce film ? Alors, c'est compliqué parce que je vais choisir délibérément de ne pas résumer le film car franchement, c'est une expérience sensorielle. Moins on en sait, plus on y prendra du plaisir. Il faut vraiment me faire confiance. Le film des Daniels, ce sont les réalisateurs, est un film de science-fiction, une comédie, un drame familial, un film de kung-fu, tout, partout, tout à la fois. C'est un film qui traite intelligemment du multiverse et de ce que seraient nos vies si on avait fait des choix différents. Alors quelqu'un dirait que ce film lui a fait penser à Brazil, dans la peau de John Malkovich, Matrix, Crazy Kung Fu, Alerte Rouge et Little Miss Sunshine, eh ben il aurait pas totalement tort. Bah sur le papier ça a l'air d'être un sacré mélange. Ah bah à l'écran aussi, hein, c'est un gros bordel. Non mais vraiment, il y a plus de bonnes idées de mise en scène en 10 minutes de film que dans les 3 derniers films de l'univers Harry Potter. C'est généreux comme une chronique d'Anthony. Trop des fois. Trop, vraiment, vraiment. Il y a beaucoup. Des fois, on passe carrément de 2001, l'Odyssée de l'espace, à Shaolin Soccer. Il y a des moments dans le film, j'avais envie de leur dire « Vous voulez pas être un peu ennuyeux comme les autres blockbusters, là, que je reprenne mon souffle ?» Et puis surtout, quel casting. Michelle Yeoh. L'impératrice Michelle Yeoh, qui donne des cours au charisme quand il sait plus quel est son job. Oh. Michelle Yeoh qui sait se battre, danser, chanter, jouer le drame et la comédie à la fois avec une puissance comique sous-exploitée jusque-là. Le retour sur grand écran de Jonathan Kay Kwan. Mathilde, enfin! Vous connaissez pas ? Absolument pas, non. 2001 dans Indiana Jones et Data dans les Goonies, qui est tout simplement merveilleux de drôlerie et de sensibilité. Et comment Hollywood a pu avoir accès à un tel acteur aussi longtemps et ne pas en faire une mégastar, c'est un gâchis que je ne m'explique pas. Jamie Lee Curtis, la reine d'Halloween, de True Lies et d'Un poisson nommé Wanda, qui montre qu'à 63 ans, on peut continuer de cartonner dans un cinéma de genre tout en touchant à des problématiques humaines, intimes et universelles. C'était magique. Bon, bah visiblement, vous avez aimé. J'ai adoré. Et j'aimerais vraiment inviter les auditeurs à donner sa chance à ce film. Alors je sais qu'en ce moment le cinéma on n'y va pas, mais faites un effort, allez le voir. C'est un film qui m'a ému aux larmes et qui m'a fait réaliser que ces réalités parallèles, on les visite déjà. On a des tas de vies différentes sur Twitter, Facebook ou TikTok, mais aussi au travail, avec les amis ou en famille. Tant d'univers différents dans lesquels on se réfugie des fois pour échapper à cette réalité où on a un peu l'impression de ne pas être la meilleure version de nous-mêmes. Le film nous explique qu'à l'échelle de l'univers, ce que l'on estime être un ratage est peut-être une grande réussite. Tout, partout, tout à la fois, c'est un film à aller voir pour se rappeler que le grand écran reste cet endroit de tous les possibles. Et franchement, entre Triple R, Nope et ce film totalement fou, il faut vraiment avoir une mauvaise foi de ministre pour dire qu'il n'y a rien d'intéressant à voir au cinéma en ce moment. Bon, bah, puisque vous ne voulez pas donner le titre en anglais, je vais me lancer. Everything, Everywhere, All at Once, première chronique blockbuster de la saison. Il y aura encore des podcasts cette année, Frédéric ? Évidemment, ça arrive dans une semaine. On va refaire la genèse de Hulk et de sa cousine Jennifer Walter, Miss Hulk. À écouter n'importe quoi, à écouter sur franceinter.fr.